Rebonjour, vampires et sorcières. Vous êtes toujours au CKRL 89.1 et en cette journée de l'Halloween, c'est l'occasion idéale pour parler d'archéologie, de vieilles affaires terrifiantes, mais de pas n'importe quelle, celle des sorcières et des vampires. Pour élaborer sur le sujet, j'ai à mes côtés Marie-Claude Dionne. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Alors, je commence. Donc, la journée de l'Halloween prêtait bien à ce type de sujet-là. Et faut savoir, par exemple, que du point de vue de l'archéologie, ce n'est pas quelque chose de facile parce qu'il n'y a pas de sous-discipline ou de spécialisation sur le sujet. Mais il arrive de temps en temps qu'on trouve sur des sites archéologiques des éléments qui sont plutôt insolites. Encore récemment, cet été en Pologne, on a découvert une tombe avec, on soupçonne d'être pour des vampires. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'était pour des vampires ou plutôt qu'il s'agissait de vampires à l'intérieur? En fait, c'était vraiment intéressant. Les corps, parce qu'il y en avait plusieurs, qui ont été retrouvés, étaient tous décapités. En plus, on a mis la tête sur les jambes. Oh. En fait, ça correspond à un rituel funéraire qu'on connaît en Pologne, qui est vraiment reconnu depuis plusieurs années. Et en fait, on assure aux villageois, une fois qu'on fait ça, des nuits sereines où les vampires pourront pas se réveiller et revenir et sortir de leur tombe pour aller se nourrir. OK, c'est comme un peu la même logique qu'enlever une tête à un zombie. Exactement. OK. On coupe les vivres. Exact. Et donc, on a, à ce jour, retrouvé et rapporté plusieurs de ces types de sépultures-là de vampires, autant dans l'Ancien Monde que dans le Nouveau Monde. D'ailleurs, chez les Grecs, à l'Antiquité, la nécrophobie dominait ce type de sépultures. En fait, question de préciser, je parle du mot anglais « nécrophobia », qui a malheureusement pas de traduction officielle. Donc, la nécrophobie correspond à la peur des choses mortes, une peur que les morts reviennent à la vie, quoi. Puis, au niveau des découvertes en tant que telles, peux-tu nous donner un peu plus de détails? Qu'est-ce qui est arrivé en Pologne? Oui, ben en fait, en Pologne, c'est vraiment juste qu'on a retrouvé le corps d'un homme, ou peut-être même d'une femme. C'était d'une en fait, personne. Ben non, mais en fait, c'était plusieurs personnes. Okay. Je ne connais pas le sexe et l'âge, mais c'est vraiment plusieurs personnes qui étaient sans tête, ben sur leur corps en fait, ils étaient sur les jambes. Mais je peux parler plus exactement d'un autre cas qui est en Grèce. C'est en 92, un archéologue qui venait de l'université de la Colombie-Britannique, Hector Williams, a fait la découverte d'un squelette d'un homme dont le corps avait été enterré avec plusieurs pointes de fer qui faisaient plus de 8 pouces de long et est inséré au niveau du cou, du bassin et des chevilles. En plus, le corps était à l'intérieur d'un cercueil en bois, mais qui était très, très lourd. Donc, on a, toute évidence, une sépulture où on voulait s'assurer que personne s'échappe de la tombe. Il y a eu un traitement de faveur sur cette personne-là. Oui, donc c'est très spécial. Exactement. Plus récemment, on a une équipe d'archéologues qui était dirigée par Matteo Borini de l'Université de Florence qui ont découvert un autre type d'enterrement de vampires sur l'île italienne de Lazzaretto Nuovo. Le corps, cette fois-ci, c'était celui d'une femme qui était très âgée et elle est enterrée avec une brique dans la bouche. Encore une fois, on s'assure que la personne ne peut pas mordre, ne peut pas nuire si jamais elle était pour revenir à la surface. Encore plus récemment, en Amérique, des archéologues qui travaillaient sur un petit cimetière qui était utilisé du 18e siècle jusqu'au 19e siècle, près de Griswold au Connecticut, ils ont tombé sur quelque chose de très inhabituel, encore une fois, une tombe d'un homme d'une cinquantaine d'années dont la tête et les fémurs avaient été mis dans la forme, comme on connaît aujourd'hui, du signe du poison. Donc, un crâne avec deux os en dessous croisés. En plus, le corps avait, encore une fois, des pointes de fer qui le clouaient sur place. Et donc, après examen, les anthropologues physiques ont déterminé que l'homme était mort de ce qu'on appelait avant la consommation. Et la consommation, c'est la tuberculose. OK. C'est une maladie infectieuse qu'on connaît aujourd'hui. Et ceux qui souffrent de cette maladie-là, ils deviennent pâles, ils perdent beaucoup de poids, il semble littéralement dépérir sur place. C'est des attributs qu'on pourrait lier ou associer aux vampires et à leurs victimes. On pourrait déduire aussi que comme la tuberculose se propage assez rapidement, assez facilement, un vampire qui est tuberculeux pouvait se nourrir de ses parents ou de son entourage qui était vivant et leur donner le même mal. Est-ce que c'est assez clair? Oui, oui, ouais, on voit le saut logique que ces gens-là ont fait à l'époque. Exact. Ouais. Et donc, la plupart des archéologues pensent maintenant que la croyance des vampires est née de ce malentendu-là. En plus d'un manque de connaissances sur le processus de décomposition des corps humains. OK, mais la plupart des Américains et des Européens au 19e siècle étaient quand même familiers avec les changements post-mortem sur le corps humain, j'imagine. Ça fait un moment que ça arrive. Oui, oui, tout à fait. Il y a des hôpitaux en masse, il y a les universités, il y a des livres. On connaît qu'est-ce qui arrive à un corps une fois que la personne meurt. Mais ce qui arrive, en fait, c'est que on observait rarement ce qui se passait dans la tombe quelques semaines, quelques mois après la mort. Et lorsqu'il s'adonnait à réouvrir une tombe, ce qui arrivait justement souvent quand on pensait avoir un vampire dans les entourages et qui faisait ravage, les hommes pouvaient remarquer la disparition de la rigidité cadavérique. Donc, ça entraîne la flexibilité des membres, qu'on peut penser que la personne, ben, elle peut bouger normalement. D'autre part, on voit aussi le tractus gastro-intestinal qui commence à se dégrader et il y a un liquide sombre, facilement confondu à du sang frais, qui va apparaître sur le corps. Donc, ça ressemble en fait à des traces d'un mets qui est tout juste dégusté par le corps mort, par le vampire, entre guillemets. Et donc, comme le cas de Griswold est sur l'île grecque de Lesbos, on va clouer, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de corps cloués dans leur cercueil à une certaine époque, pour essayer un peu de prévenir les vampires de refaire surface. Je vois beaucoup de parallèles entre les vampires de cette époque-là et nos zombies actuels, parce que nos vampires aujourd'hui sont un peu plus propres et, moins en décomposition que ça, mais les zombies ont, disons, une dynamique très décomposition. Mais qu'est-ce qu'il y en est des sorcières, en fait? Ben, pour les sorcières, elles sont pas identifiables facilement au point de vue de l'archéologie. C'est quand même, la sorcellerie est une thématique qui est commune en anthropologie culturelle. Donc, on détient quand même beaucoup de données sur le sujet. La difficulté, par exemple, des archéologues, c'est d'être confronté à un manque de corrélation entre les activités rituelles ou cultuelles et la formation des dépôts archéologiques. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on peut difficilement identifier de la sorcellerie au niveau des vestiges archéologiques. Mais un chaudron, ça peut être aussi utilisé pour des tâches ménagères, que aussi pour un rituel. Puis j'imagine que les feux dans lesquels peut-être certaines sorcières étaient brûlées ne ressemblent qu'à un autre feu comme un autre, dans le fond. Exactement. C'est dur à percevoir la différence, parce qu'en fait, il n'y en a pas. Il faut être sur place pour savoir la vérité, en quelque sorte. C'est que si on pense en archéologie, c'est le problème qu'on a, pas juste en parlant des sorcières, bien entendu, quand on trouve un vase ou une jarre, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle contenait, donc on ne sait pas à quoi elle servait. Mais bon, pour revenir à nos sorcières, je vais vous donner un exemple à Cornwall, en Angleterre. On a trouvé dans la cour d'une archéologue, qui plus est, une plateforme d'argile avec des trous qui s'apparentent à des trous de poteaux. Que l'on date environ du 17e siècle. Puis un petit aparté, en fait, les trous de poteaux, c'est un élément qu'on a tout le temps sur un site. Aussitôt qu'on trouve un trou, on se dit « Ah, ben c'est un trou de poteau ». Mais ça s'avère être rarement le cas. Là, c'est okay. Vraiment plus un petit élément comme ça qu'on dit. Donc, 2 des 8 trous de poteaux, qui étaient des petites fosses, étaient remplis de plumes toujours attachées à la peau. On a demandé à un expert sur les lieux, du zoo local, pour savoir quelle était l'espèce de cet oiseau-là. Puis on a trouvé que c'était un cygne. On a fait une datation au carbone 14 qui a permis de connaître la date approximative qui est 1640 pour une possible utilisation du site. Et par-dessus la peau de l'oiseau, on a trouvé une petite pile de cailloux et des griffes de différentes espèces d'oiseaux. On a fait un test de provenance pour connaître un peu la localisation de ces cailloux-là, puis on a trouvé qu'ils venaient de plus de 24 km à l'extérieur du site. On a retrouvé aussi une autre fosse. Cette fois-ci, celle c'est en forme circulaire. Et on y a trouvé, encore une fois, des plumes de cygne, ainsi que 55 œufs d'oiseaux de différentes espèces, et même que quelques-uns de ces œufs-là étaient sur le point d'éclore. Autour de ces œufs-là, on a trouvé des ossements de pie, l'oiseau. OK, fait que c'est quoi la connotation de sorcière qu'on peut, disons, apposer à ce site-là, plutôt en contraste à quelqu'un qui est juste fan des oiseaux et qui a enterré plein de morceaux d'oiseaux? C'est une très bonne question, en fait. C'est que on pense que le lieu faisait office de rituel. Les cailloux, vu qu'on voit qu'ils proviennent de très loin, ils étaient donc spécialement choisis, recherchés et ramenés sur le site. Donc, il y avait vraiment une quête, il y avait vraiment une utilisation précise. La présence d'œufs, autant que la peau sur les plumes, il n'y avait vraiment aucune utilité à avoir ça dans ce type de trou-là. La pie, puis encore aujourd'hui, elle est associée avec la superstition et aussi la chance. En plus, le cygne était à l'époque un symbole religieux. Et donc, tuer un cygne était, disons, mal vu. Et on risquait de se faire prendre par les autorités en place. Et juste pour nous situer un peu dans le contexte historique du temps, en 1640, on est en pleine guerre civile d'Angleterre, où il est très possible que c'était dangereux de pratiquer la sorcellerie en grand public. OK. Est-ce qu'on a une explication possible sur l'utilisation de ce site-là? Est-ce qu'on sait pourquoi il y avait un rituel pratiqué à cet endroit-là exactement? Possiblement que ces fosses-là contenaient des offrandes pour Sainte Brigitte d'Irlande, qui est la patronne pour les bébés et les nourrissons. L'anthropologue en chef qui a travaillé sur le site a proposé une idée que lorsque quelqu'un était marié et qu'il n'arrivait pas à devenir enceinte dans les premiers temps, les premières années, elle pouvait venir faire une offrande dans cette petite fosse-là. Les femmes qui tombaient par la suite enceintes devaient revenir pour vider cette fosse-là. On trouve aussi, non loin de ces petites fosses-là, les restes d'un bassin qui est alimenté par une source d'eau. Puis on a découvert aligné dans le fond du quartz blanc. En plus, le bassin contenait des morceaux de textile, des épingles, des morceaux de chaussures, les branches de bruyère qui est associée d'ailleurs à la chance. Il y avait des coupures d'ongles, des cheveux. Et on ne peut pas avoir plus sorcière que ça, un morceau de chaudron. Et donc, on voit que le quartz blanc aurait pu faire briller le bassin d'eau à la lueur du clair de lune. Puis si on associe ça avec son contenu qui est plutôt hétéroclite, il a sûrement dû être spécial pour les gens. Il devait avoir une connotation sacrée et c'est très probable que c'est un lieu de rituel. On sait qu'à travers les âges, l'utilisation de ce type de piscine-là ou de bassin était chose commune. Ça remonte d'ailleurs à très loin. Cependant, la pratique a cessé justement à la fin du 17e siècle, lorsque le roi a demandé aux habitants de détruire et de remplir ces bassins sacrés-là pour en terminer avec ces rituels païens. Et donc, je vais rajouter un petit élément pour les sorcières que j'ai lu ce matin même. J'ai découvert, parce que je disais un peu que c'était dur de trouver des sorcières au point de vue de la sépulture, mais ce matin, j'ai lu qu'en 2011, on a trouvé le corps de deux femmes sur un site à peu près qui date de 800 ans, et la femme, une des deux femmes, avait la mâchoire clouée. Oh! Alors, là, c'est un petit peu bizarre. Ça pourrait être aussi un vampire, quoique, oui. Ça pourrait être aussi un vampire. L'autre femme, par exemple, elle était entourée de dés. Et là, il faut savoir que les dés, il y a 800 ans, c'était interdit pour les femmes à jouer. Et il y en avait 17. 17 qui est un chiffre malchanceux, en plus. Donc là, il y a tout un petit peu un petit côté un peu sorcier où on essayait de bannir quelque chose. Fait qu'on peut penser qu'il s'agissait d'une sépulture pour deux présumées sorcières. Ou une simple blague des gens qui voulaient en fait confondre et questionner les archéologues du futur. On pourrait faire quelque chose de similaire aujourd'hui avec quelqu'un qui serait volontaire à, disons, induire en erreur les archéologues de 2050. C'est vrai qu'on pourrait peut-être se mettre à faire ça aujourd'hui. Ouais, ça pourrait être intéressant. Donc, je vais conclure là-dessus en fait. C'est que je vais vous dire que les informations qu'on a, qui sont plutôt éparses sur le sujet, sont à la merci des descriptions qu'on a eues ultérieurement, qui sont trop stéréotypées, qui ont, sans le vouloir, là, camouflé probablement des enregistrements d'une pratique rituelle. Mais maintenant, plusieurs chercheurs vont garder l'œil et leur esprit ouvert, et ça ne sera sûrement pas surprenant que dans les prochaines années, on retrouve plus de sites de sorcellerie, des lieux de rituels et aussi des sépultures de vampires. C'est tout à fait, vraiment, c'est vraiment passionnant tout ça, quand on regarde avec cet angle-là des sites archéologiques de cette époque-là. Mais je te remercie beaucoup, Marie-Claude, d'avoir partagé toutes ces, disons, ces éléments de croyance et des connaissances sur les vampires et les sorcières. Et, disons, une très belle chronique pour une thématique Halloween, j'en suis certain. Et on va maintenant faire une petite pause musicale un peu plus légère et on vous revient avec les effets des ondes radio, des radiofréquences sur la santé humaine.